Chapitre 21. On croira facilement que nous eûmes grand besoin de repos après ce long trajet. Car dans ce désert, nous ne vîmes ni maison ni arbre. Nous y trouvâmes à peine quelques buissons, mais nous aperçûmes en revanche une grande quantité de chasseurs de ziblines. Ce sont tous des Tartares de la Mongolie dont cette contrée fait partie. Ils attaquent fréquemment les petites caravanes, mais nous n'en rencontrâmes point en grande troupe. J'étais curieux de voir les peaux des ziblines qu'ils chassaient, mais je ne pus me mettre en rapport avec aucun d'eux, car ils n'osaient pas s'approcher de nous, et je n'osais pas moi-même m'écarter de la compagnie pour les joindre. Après avoir traversé ce désert, nous entrâmes dans une contrée assez bien peuplée, c'est-à-dire où nous trouvâmes des villes et des châteaux élevés par le tsar de Moscovie, avec des garnisons de soldats stationnaires pour protéger les caravanes et défendre le pays contre les Tartares qui autrement rendraient la route très dangereuse. Et Sa Majesté tsarienne a donné des ordres si stricts pour la sûreté des caravanes et des marchands que si on entend parler de quelques Tartares dans le pays, des détachements de la garnison sont de suite envoyés pour escorter les voyageurs de station en station. Aussi, le gouverneur d'Adinskoy, auquel j'eus occasion de rendre visite avec le marchand écossais qui était lié avec nous, nous offrit-il une escorte de 50 hommes si nous pensions qu'il y eût quelque danger, jusqu'à la prochaine station. Longtemps je m'étais imaginé qu'en approchant de l'Europe, nous trouverions le pays mieux peuplé et le peuple plus civilisé. Je m'étais doublement trompé. Car nous avions encore à traverser la nation des Tongouzes, où nous vîmes des marques de paganisme et de barbarie pour le moins aussi grossières que celles qui nous avaient frappées précédemment. Seulement, comme ces Tongouzes ont été assujettis par les Moscovites et entièrement réduits, ils ne sont pas très dangereux. Mais en fait de rudesse de mœurs, d'idolâtrie et de polythéisme, jamais peuple au monde ne les surpassa. Ils sont couverts de peaux de bête aussi bien que leur maison. Et à leur mine rébarbative, à leur costume, vous ne distingueriez pas un homme d'avec une femme. Durant l'hiver, quand la terre est couverte de neige, ils vivent sous terre, dans des espèces de repères voûtés, dont les cavités ou cavernes se communiquent entre elles. Si les Tartares avaient leur Chamchinchongu pour tout un village ou toute une contrée, ceux-ci avaient des idoles dans chaque hutte et dans chaque cave. En août, ils adorent les étoiles, le soleil, l'eau, la neige et en un mot, tout ce qu'ils ne comprennent pas. Et ils ne comprennent pas grand-chose. De sorte qu'à tous les éléments et à presque tous les objets extraordinaires, ils offrent des sacrifices. Mais je ne dois faire la description d'un peuple ou d'une contrée qu'autant que cela se rattache à ma propre histoire. Il ne m'arriva rien de particulier dans ce pays, que j'estime éloigné de plus de 400 miles du dernier désert dont j'ai parlé, et dont la moitié même est aussi un désert, où nous marchâmes rudement pendant 12 jours sans rencontrer une maison, un arbre, une broussaille, et où nous fûmes encore obligés de porter avec nous nos provisions, l'eau comme le pain. Après être sortis de ce steppe, nous parvînmes en 2 jours à Yeniseïsk, ville ou station moscovite sur le grand fleuve Yenisei. Ce fleuve, nous fut-il dit, sépare l'Europe de l'Asie, quoique nos faiseurs de cartes, à ce qu'on m'a rapporté, n'en tombent pas d'accord. N'importe, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il borne à l'Orient l'ancienne Sibérie, qui aujourd'hui ne forme qu'une province du vaste empire moscovite, bien qu'elle soit aussi grande que l'empire germanique tout entier. Je remarquai que l'ignorance et le paganisme prévalaient encore, excepté dans les garnisons moscovites. Toute la contrée entre le fleuve Oby et le fleuve Yenisei est entièrement païenne, et les habitants sont aussi barbares que les Tartares les plus reculés, même qu'aucune nation que je sache de l'Asie ou de l'Amérique. Je remarquai aussi ce que je fis observer aux gouverneurs moscovites avec lesquels j'eus occasion de converser, que ces païens, pour être sous le gouvernement moscovite, n'en étaient ni plus sages ni plus près du christianisme. mais tout en reconnaissant que c'était assez vrai, ils répondaient que ce n'était pas leur affaire, que si le tsar s'était promis de convertir ses sujets sibériens, tongous ou tartares, il aurait envoyé parmi eux des prêtres et non pas des soldats. Et ils ajoutaient, avec plus de sincérité que je ne m'y serais attendu, que le grand souci de leur monarque n'était pas de faire de ces peuples des chrétiens, mais des sujets. Depuis ce fleuve jusqu'au fleuve Oby, nous traversâmes une contrée sauvage et inculte. Je ne saurais dire que ce soit un sol stérile, mais seulement un sol qui manque de bras et d'une bonne exploitation. Car autrement, c'est un pays charmant, très fertile et très agréable en soi. Les quelques habitants que nous y trouvâmes étaient tous paysans, excepté ceux qu'on y avait envoyés de Russie, car c'est dans cette contrée, j'entends sur les rives de l'Oby, que sont bannis les criminels moscovites qui ne sont point condamnés à mort. Une fois là, il est presque impossible qu'ils en sortent. Je n'ai rien d'essentiel à dire sur mon compte jusqu'à mon arrivée à Tobolsk, capitale de la Sibérie, où je séjournais assez longtemps pour les raisons suivantes. Il y avait alors près de 7 mois que nous étions en route et l'hiver approchait rapidement. Dans cette conjoncture, sur nos affaires privées, mon partenaire et moi nous tînmes donc un conseil où nous jugeâmes à propos, attendu que nous devions nous rendre en Angleterre et non pas à Moscou, de considérer le parti qu'il nous fallait prendre. On nous avait parlé de traîneaux et de rennes pour nous transporter sur la neige pendant l'hiver. Et c'est tout de bon que les Russiens font usage de pareils véhicules, dont les détails sembleraient incroyables si je les rapportais, et au moyen desquels ils voyagent beaucoup plus dans la saison froide qu'ils ne sauraient voyager en été, parce que dans ces traîneaux, ils peuvent courir nuit et jour, une neige congelée couvrant alors toute la nature, les montagnes, les vallées, les rivières, les lacs, n'offrent plus qu'une surface unie et dure comme la pierre, sur laquelle ils courent sans se mettre nullement en peine de ce qui est dessous. Mais je n'eus pas occasion de faire un voyage de ce genre. Comme je me rendais en Angleterre et non pas à Moscou, j'avais 2 routes à prendre. Il me fallait aller avec la caravane jusqu'à Jaroslav, puis tourner vers l'ouest pour gagner Narva et le golfe de Finlande, et, soit par mer, soit par terre, Danzig, où ma cargaison de marchandises chinoises devait se vendre avantageusement. Ou bien il me fallait laisser la caravane à une petite ville sur la Dvina, d'où, par eau, je pouvais gagner en 6 jours Archangel, et de là faire voile pour l'Angleterre, la Hollande ou Hambourg. Toutefois, il eût été absurde d'entreprendre l'un ou l'autre de ces voyages pendant l'hiver. Si je me fusse décidé pour Danzig, la Baltique en cette saison est gelée. Tout passage m'eût été fermé. Et par terre, il est bien moins sûr de voyager dans ces contrées que parmi les Tartares mongols. D'un autre côté, si je me fusse rendu à Archangel en octobre, j'eusse trouvé tous les navires partis, et même les marchands qui ne s'y tiennent que l'été, et l'hiver se retire à Moscou vers le sud après le départ des vaisseaux. Un froid excessif, la disette et la nécessité de rester tout l'hiver dans une ville déserte, c'est là tout ce que j'eusse pu espérer d'y rencontrer. En définitive, je pensais donc que le mieux était de laisser partir la caravane et de faire mes dispositions pour hiverner à l'endroit où je me trouvais, c'est-à-dire à Tobolsk en Sibérie, par une latitude de 60 degrés. Là, au moins, pour passer un hiver rigoureux, je pouvais faire fond sur 3 choses, savoir l'abondance de toutes les provisions que fournit le pays, une maison chaude avec des combustibles à suffisance et une excellente compagnie. De tout ceci, je parlerai plus au long en son lieu. J'étais alors dans un climat entièrement différent de mon île bien-aimée, où je n'eus jamais froid que dans mes accès de fièvre, où tout au contraire j'avais peine à endurer des habits sur mon dos, où je ne faisais jamais de feu que dehors et pour préparer ma nourriture. Aussi étais-je emmitouflé dans 3 bonnes vestes, avec de grandes robes par-dessus, descendant jusqu'aux pieds et se boutonnant aux poignets, toutes doublées de fourrure pour les rendre suffisamment chaudes. J'avoue que je désapprouve fort notre manière de chauffer les maisons en Angleterre, c'est-à-dire de faire du feu dans chaque chambre, dans des cheminées ouvertes qui, dès que le feu est éteint, laissent l'air intérieur aussi froid que la température. Après avoir pris un appartement dans une bonne maison de la ville, au centre de 6 chambres différentes, je fis construire une cheminée en forme de fourneau, semblable à un poêle. Le tuyau pour le passage de la fumée était d'un côté, la porte ouvrant sur le foyer d'un autre. Toutes les chambres étaient également chauffées, sans qu'on vît aucun feu, juste comme sont chauffés les bains en Angleterre. Par ce moyen, nous avions toujours la même température dans tout le logement et une chaleur égale se conservait. Quelque froid qu'il fît dehors, il faisait toujours chaud dedans. Cependant, on ne voyait point de feu et l'on n'était jamais incommodé par la fumée. Mais la chose la plus merveilleuse, c'était qu'il fût possible de trouver bonne compagnie dans une contrée aussi barbare que les parties les plus septentrionales de l'Europe, dans une contrée proche de la mer glaciale et à peu de degrés de la Nouvelle-Zemble. Cependant, comme c'est dans ce pays, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, que sont bannis les criminels d'État moscovite, la ville était pleine de gens de qualité, de princes, de gentilshommes, de colonels, en un mot, de nobles de tout rang, de soldats de tout grade et de courtisans. Il y avait le fameux prince Galifken ou Galofken, son fils, le fameux général Robotitsky, plusieurs autres personnages de marque et quelques dames de haut parage. Par l'intermédiaire de mon négociant écossais, qui toutefois ici se sépara de moi, je fis connaissance avec plusieurs de ces gentilshommes, avec quelques-uns même du premier ordre, et de qui, dans de longues soirées d'hiver pendant lesquelles je restais au logis, je reçus d'agréables visites. Ce fut en causant un soir avec un certain prince banni, un des ex-ministres d'État du Tsar, que la conversation tomba sur mon chapitre. Comme il me racontait une foule de belles choses sur la grandeur, la magnificence, les possessions et le pouvoir absolu de l'empereur des Russiens, je l'interrompis et lui dis que j'avais été un prince plus grand et plus puissant que le tsar de Moscovie, quoique mes états ne fussent pas si étendus, ni mes peuples si nombreux. À ce coup, le seigneur Russien eut l'air un peu surpris, et tenant ses yeux attachés sur moi, il commença de s'étonner de ce que j'avançais. Je lui dis que son étonnement cesserait quand je me serais expliqué. D'abord, je lui contai que j'avais à mon entière disposition la vie et la fortune de mes sujets, que nonobstant mon pouvoir absolu, je n'avais pas eu un seul individu mécontent de mon gouvernement ou de ma personne dans toutes mes possessions. Là-dessus, il secoua la tête et me dit qu'en cela, je surpassais tout de bon le tsar de Moscovie. Me reprenant, j'ajoutai que toutes les terres de mon royaume m'appartenaient en propre, que tous mes sujets étaient non seulement mes tenanciers, mais mes tenanciers à volonté, qu'ils se seraient tous battus pour moi jusqu'à la dernière goutte de leur sang, et que jamais tyran, car pour tel je me reconnaissais, n'avait été si universellement aimé, et cependant si horriblement redouté de ses sujets. Après avoir amusé quelque temps la compagnie de ces énigmes gouvernementales, je lui en dis un mot. Je lui fis au long l'histoire de ma vie dans l'île et de la manière dont je m'y gouvernais et gouvernais le peuple rangé sous moi. Juste comme je l'ai rédigé depuis. On fut excessivement touché de cette histoire et surtout le prince qui me dit avec un soupir que la véritable grandeur ici-bas était d'être son propre maître, qu'il n'aurait pas échangé une condition telle que la mienne contre celle du tsar de Moscovie, qu'il trouvait plus de félicité dans la retraite à laquelle il semblait condamné en cet exil qu'il n'en avait jamais trouvé dans la plus haute autorité dont il avait joui à la cour de son maître le tsar. Que le comble de la sagesse humaine était de ployer notre humeur aux circonstances et de nous faire un calme intérieur sous le poids des plus grandes tempêtes. Ici, poursuivit-il, au commencement de mon bannissement, je pleurais, je m'arrachais les cheveux, je déchirais mes habits, comme tant d'autres avaient fait avant moi. Mais amené, après un peu de temps et de réflexion, à regarder au-dedans de moi et à jeter les yeux autour de moi sur les choses extérieures, je trouvais que s'il est une fois conduit à réfléchir sur la vie, sur le peu d'influence qu'a le monde sur le véritable bonheur, l'esprit de l'homme est parfaitement capable de se créer une félicité à lui, le satisfaisant pleinement et s'alliant à ses meilleurs desseins et à ses plus nobles désirs, sans grand besoin de l'assistance du monde. De l'air pour respirer, de la nourriture pour soutenir la vie, des vêtements pour avoir chaud, la liberté de prendre l'exercice nécessaire à la santé, complète, dans mon opinion, tout ce que le monde peut faire pour nous. La grandeur, la puissance, les richesses et les plaisirs dont quelques-uns jouissent ici-bas, et dont pour ma part j'ai joui, sont pleins d'attrait pour nous. Mais toutes ces choses lâchent la bride à nos plus mauvaises passions, à notre ambition, à notre orgueil, à notre avarice, à notre vanité, à notre sensualité. Passions qui procèdent de ce qu'il y a de pire dans la nature de l'homme, qui sont des crimes en elles-mêmes, qui renferment la semence de toute espèce de crime, et n'ont aucun rapport et ne se rattachent en rien ni aux vertus qui constituent l'homme sage, ni aux grâces qui nous distinguent comme chrétiens. Privé que je suis aujourd'hui de toute cette félicité imaginaire que je goûtais dans la pratique de tous ces vices, je me trouve à même de porter mes regards sur leur côté sombre, où je n'entrevois que difformité. Je suis maintenant convaincu que la vertu seule fait l'homme vraiment sage, riche, grand, et le retient dans la voie qui conduit à un bonheur suprême, dans une vie future. Et en cela, ne suis-je pas plus heureux dans mon exil que ne le sont mes ennemis ? En pleine possession des biens et du pouvoir que je leur ai abandonné ? Sire, ajouta-t-il, je n'amène point mon esprit à cela par politique, me soumettant à la nécessité de ma condition, que quelques-uns appellent misérable. Non, si je ne m'abuse pas trop sur moi-même, je ne voudrais pas m'en retourner. Non, quand bien même le tsar, mon maître, me rappellerait et m'offrirait de me rétablir dans toute ma grandeur passée. « Non, dis-je, je ne voudrais pas m'en retourner. Pas plus que mon âme, je pense, quand elle sera délivrée de sa prison corporelle et aura goûté la félicité glorieuse qu'elle doit trouver au-delà de la vie, ne voudra retourner à la geôle de chair et de sang qui l'enferme aujourd'hui, et abandonner les cieux pour se replonger dans la fange et l'ordure des affaires humaines. » Il prononça ces paroles avec tant de chaleur et d'effusion, tant d'émotions se trahissaient dans son maintien, qu'il était visible que c'étaient là les vrais sentiments de son âme. Impossible de mettre en doute sa sincérité. Je lui répondis qu'autrefois, dans mon ancienne condition, dont je venais de lui faire la peinture, je m'étais cru une espèce de monarque, mais que je pensais qu'il était, lui, non seulement un monarque, mais un grand conquérant. Car celui qui remporte la victoire sur ses désirs excessifs, qui a un empire absolu sur lui-même et dont la raison gouverne entièrement la volonté, est certainement plus grand que celui qui conquiert une ville. « Mais, milord, ajoutai-je, oserais-je vous faire une question ?»« De tout mon cœur, répondit-il. « Si la porte de votre liberté était ouverte, repris-je, ne saisiriez-vous pas cette occasion de vous délivrer de cet exil ? Attendez, dit-il. Votre question est subtile. Elle demande de sérieuses et d'exactes distinctions pour y donner une réponse sincère. et je veux vous mettre mon cœur à jour. Rien au monde, que je sache, ne pourrait me porter à me délivrer de cet état de bannissement. Sinon, c'est deux choses. Premièrement, ma famille, et secondement, un climat un peu plus doux. Mais je vous proteste que pour retourner aux pompes de la cour, à la gloire, au pouvoir, au tracas d'un ministre d'État, à l'opulence, au faste et au plaisir, c'est-à-dire aux folies d'un courtisan, si mon maître m'envoyait aujourd'hui la nouvelle qu'il me rend tout ce dont il m'a dépouillé, je vous proteste, dis-je, si je me connais bien, que je ne voudrais pas abandonner ce désert, ces solitudes et ces lacs glacés pour le palais de Moscou. Mais, milord, repris-je, peut-être n'êtes-vous pas seulement banni des plaisirs de la cour, du pouvoir, de l'autorité et de l'opulence dont vous jouissiez autrefois. Vous pouvez être aussi privé de quelques-unes des commodités de la vie. Vos terres sont peut-être confisquées, vos biens pillés, et ce qui vous est laissé ici ne suffit peut-être pas aux besoins ordinaires de la vie. Oui, me répliqua-t-il, si vous me considérez comme un seigneur ou un prince, comme dans le fait je le suis. Mais veuillez ne voir en moi simplement qu'un homme, une créature humaine, que rien ne distingue d'avec la foule. Et il vous sera évident que je ne puis sentir aucun besoin, à moins que je ne sois visité par quelque maladie ou quelque infirmité. Pour mettre toutefois la question hors de doute, voyez notre manière de vivre. Nous sommes en cette ville 5 grands personnages. Nous vivons tout à fait retirés, comme il convient à des gens en exil. Nous avons sauvé quelque chose du naufrage de notre fortune qui nous met au-dessus de la nécessité de chasser pour notre subsistance. Mais les pauvres soldats qui sont ici et qui n'ont point nos ressources vivent dans une aussi grande abondance que nous. Ils vont dans les bois chasser les iblines et les renards. Le travail d'un mois fournit à leur entretien pendant un an. Comme notre genre de vie n'est pas coûteux, il nous est aisé de nous procurer ce qu'il nous faut. Donc, votre objection est détruite. La place me manque pour rapporter tout au long la conversation on ne peut plus agréable que j'eus avec cet homme véritablement grand, et dans laquelle son esprit laissa paraître une si haute connaissance des choses, soutenue tout à la fois et par la religion et par une profonde sagesse, qu'il est hors de doute que son mépris pour le monde ne fût aussi grand qu'il l'exprimait. Et jusqu'à la fin, il se montra toujours le même, comme on le verra par ce qui suit. Je passai 8 mois à Tobolsk, que l'hiver me parut sombre et terrible. Le froid était si intense que je ne pouvais pas seulement regarder dehors sans être enveloppé dans des pelleteries, et sans avoir sur le visage un masque de fourrure, ou plutôt un capuchon, avec un trou simplement pour la bouche et 2 trous pour les yeux. Le faible jour que nous eûmes pendant 3 mois ne durait pas, calcul fait, au-delà de 5 heures, 6 tout au plus. Seulement, le sol étant continuellement couvert de neige, et le temps assez clair, l'obscurité n'était jamais profonde. Nos chevaux étaient gardés, ou plutôt affamés, sous terre, et quant à nos valets, car nous en avions loué pour prendre soin de nous et de nos montures, il nous fallait à chaque instant panser et faire dégeler leurs doigts ou leurs orteils, de peur qu'ils ne restassent perclus. Dans l'intérieur, à vrai dire, nous avions chaud, les maisons étant closes, les murailles épaisses, les ouvertures petites et les vitrages doubles. Notre nourriture consistait principalement en chair de daim salée et apprêtée dans la saison, en assez bon pain, mais préparé comme du biscuit, en poissons secs de toutes sortes, en viande de mouton et en viande de buffle, assez bonne espèce de bœuf. Toutes les provisions pour l'hiver sont amassées pendant l'été et parfaitement conservées. Nous avions pour boisson de l'eau mêlée avec de l'aquavite au lieu de brandevin, et pour régal, en place de vin, de l'hydromel. Ils en ont vraiment de délicieux. Les chasseurs, qui s'aventurent dehors par tous les temps, nous apportaient fréquemment de la venaison fraîche, très grasse et très bonne, et quelquefois de la chair d'ours, mais nous ne faisions pas grand cas de cette dernière. Grâce à la bonne provision de thé que nous avions, nous pouvions régaler nos amis. Et après tout, toutes choses bien considérées, nous vivions très gaiement et très bien. Nous étions alors au mois de mars. Les jours croissaient sensiblement et la température devenait au moins supportable. Aussi, les autres voyageurs commençaient-ils à préparer les traîneaux qui devaient les transporter sur la neige et à tout disposer pour leur départ. Mais notre dessein de gagner Archangel et non Moscou ou la Baltique étant bien arrêté, je ne bougeais pas. Je savais que les navires du Sud ne se mettent en route pour cette partie du monde qu'au mois de mai ou de juin, et que si j'y arrivais au commencement d'août, j'y serais avant qu'aucun bâtiment fût prêt à remettre en mer. Je ne m'empressais donc nullement de partir comme les autres, et je vis une multitude de gens, je dirais même tous les voyageurs, quitter la ville avant moi. Il paraît que tous les ans ils se rendent à Moscou pour trafiquer, c'est-à-dire pour y porter leurs pelleteries et les échanger contre les articles de nécessité dont ils ont besoin pour leurs magasins. D'autres aussi vont pour le même objet à Archangel, mais comme ils ont plus de 800 miles à faire pour revenir chez eux, ceux qui s'y rendirent cette année-là partirent de même avant moi. Bref, dans la seconde quinzaine de mai, je commençais à m'occuper de mes malles. Et tandis que j'étais à cette besogne, il me vint dans l'esprit de me demander pourquoi tous ces gens bannis en Sibérie par le tsar, mais une fois arrivés là, laissés libres d'aller où bon leur semble, ne gagnaient pas quelque autre endroit du monde à leur gré. Et je me pris à examiner ce qui pouvait les détourner de cette tentative. Mais mon étonnement cessa quand j'en eus touché quelques mots à la personne dont j'ai déjà parlé et qui me répondit ainsi. Considérez d'abord, sire, me dit-il, le lieu où nous sommes. Secondement, la condition dans laquelle nous sommes. Et surtout, la majeure partie des gens qui sont bannis ici. Nous sommes environnés d'obstacles plus forts que des barreaux et des verrous. Au nord, s'étend un océan innavigable où jamais navire n'a fait voile, où jamais barque n'a vogué. Et eussions-nous navire et barque à notre service que nous ne saurions où aller. De tout autre côté, nous avons plus de 1000 miles à faire pour sortir des états du tsar, et par des chemins impraticables, à moins de prendre les routes que le gouvernement a fait construire. Et qui traversent les villes où ses troupes tiennent garnison. Nous ne pouvons ni suivre ces routes sans être découverts, ni trouver de quoi subsister en nous aventurant par tout autre chemin. Ce serait donc en vain que nous tenterions de nous enfuir. Là-dessus, je fus réduit au silence, et je compris qu'ils étaient dans une prison tout aussi sûre que s'ils eussent été renfermés dans le château de Moscou. Cependant, il me vint la pensée que je pourrais fort bien devenir l'instrument de la délivrance de cet excellent homme, et qu'il me serait très aisé de l'emmener, puisque dans le pays, on n'exerçait point sur lui de surveillance. Après avoir roulé cette idée dans ma tête quelques instants, je lui dis que je n'allais pas à Moscou, mais à Archangel, et que je voyageais à la manière des caravanes, ce qui me permettait de ne pas coucher dans les stations militaires du désert, et de camper chaque nuit où je voulais. Nous pourrions facilement gagner sans malencontre cette ville où je le mettrais immédiatement en sûreté à bord d'un vaisseau anglais ou hollandais qui nous transporterait tous deux à bon port. Quant à votre subsistance et aux autres détails, ajoutai-je, je m'en chargerai jusqu'à ce que vous puissiez faire mieux vous-même. Il m'écouta très attentivement et me regarda fixement tout le temps que je parlais. Je pus même voir sur son visage que mes paroles jetaient son esprit dans une grande émotion. Sa couleur changeait à tout moment, ses yeux s'enflammaient, toute sa contenance trahissait l'agitation de son cœur. Il ne put me répliquer immédiatement quand j'eus fini. On eût dit qu'il attendait ce qu'il devait répondre. Enfin, après un moment de silence, il m'embrassa en s'écriant « Malheureux que nous sommes, infortunées créatures ! Il faut donc que même les plus grands actes de l'amitié soient pour nous des occasions de chute. Il faut donc que nous soyons les tentateurs l'un de l'autre. Mon cher ami, continua-t-il, votre offre est si honnête, si désintéressée, si bienveillante pour moi, qu'il faudrait que j'eusse une bien faible connaissance du monde si tout à la fois je ne m'en étonnais pas et ne reconnaissais pas l'obligation que je vous en ai. Mais croyez-vous que j'ai été sincère dans ce que je vous ai si souvent dit de mon mépris pour le monde? Croyez-vous que je vous ai parlé du fond de l'âme et qu'en cet exil je sois réellement parvenu à ce degré de félicité qui m'a placé au-dessus de tout ce que le monde pouvait me donner et pouvait faire pour moi? Croyez-vous que j'étais franc quand je vous ai dit que je ne voudrais pas m'en retourner? Fussais-je rappelé pour redevenir tout ce que j'étais autrefois à la cour et pour rentrer dans la faveur du tsar mon maître? Croyez-vous, mon ami, que je sois un honnête homme? Ou pensez-vous que je sois un orgueilleux hypocrite? » Ici, il s'arrêta, comme pour écouter ce que je répondrais. Mais je reconnus bientôt que c'était l'effet de la vive émotion de ses esprits. Son cœur était plein, il ne pouvait poursuivre. Je fus, je l'avoue, aussi frappé de ses sentiments qu'étonné de trouver un tel homme. Et j'essayai de quelques arguments pour le pousser à recouvrer sa liberté. Je lui représentai qu'il devait considérer ceci comme une porte que lui ouvrait le ciel pour sa délivrance, comme une sommation que lui faisait la Providence, qui, dans sa sollicitude, dispose tous les événements pour qu'il eût à améliorer son état et à se rendre utile dans le monde. Ayant eu le temps de se remettre, « Que savez-vous, sire ? » me dit-il vivement. Si au lieu d'une injonction de la part du ciel, ce n'est pas une instigation de toute autre part me représentant sous des couleurs attrayantes, comme une grande félicité, une délivrance qui peut être en elle-même un piège pour m'entraîner à ma ruine. Ici, je ne suis point en proie à la tentation de retourner à mon ancienne misérable grandeur. Ailleurs, je ne suis pas sûr que toutes les semences d'orgueil, d'ambition, d'avarice et de luxure que je sais au fond de mon cœur, ne puisse se raviver, prendre racine, en un mot, m'accabler de rechef. Et alors, l'heureux prisonnier que vous voyez maintenant, maître de la liberté de son âme, deviendrait, en pleine possession de toute liberté personnelle, le misérable esclave de ses sens. Généreux ami, laissez-moi dans cette heureuse captivité, éloigné de toute occasion de chute, plutôt que de m'exciter à pourchasser une ombre de liberté aux dépens de la liberté de ma raison et aux dépens du bonheur futur que j'ai aujourd'hui en perspective. Et qu'alors, j'en ai peur, je perdrai totalement de vue, car je suis de chair, car je suis un homme, rien qu'un homme, car je ne suis pas plus qu'un autre à l'abri des passions. Oh, ne soyez pas à la fois mon ami et mon tentateur. Si j'avais été surpris d'abord, je devins alors tout à fait muet, et je restai là à le contempler dans le silence et l'admiration. Le combat que soutenait son âme était si grand que malgré le froid excessif, il était tout en sueur. Je vis que son esprit avait besoin de retrouver du calme. Aussi, je lui dis en deux mots que je le laissais réfléchir, que je reviendrai le voir, et je regagnai mon logis. Environ 2 heures après, j'entendis quelqu'un à la porte de la chambre, et je me levai pour aller ouvrir, quand il l'ouvrit lui-même et entra. « Mon cher ami, me dit-il, vous m'aviez presque vaincu, mais je suis revenu à moi. Ne trouvez pas mauvais que je me défende de votre offre. Je vous assure que ce n'est pas que je ne sois pénétré de votre bonté. Je viens pour vous exprimer la plus sincère reconnaissance, mais j'espère avoir remporté une victoire sur moi-même. » « Milord, lui répondis-je, j'aime à croire que vous êtes pleinement assuré que vous ne résistez pas à la voix du ciel. » « Sire, reprit-il, si c'eût été de la part du ciel, la même influence céleste m'eût poussé à l'accepter. Mais j'espère, mais je demeure bien convaincu que c'est de par le ciel que je m'en excuse, et quand nous nous séparerons, ce ne sera pas une petite satisfaction pour moi de penser que vous m'aurez laissé honnête homme, sinon homme libre. » Je ne pouvais plus qu'acquiescer et lui protester que dans tout cela, mon unique but avait été de le servir. Il m'embrassa très affectueusement en m'assurant qu'il en était convaincu et qu'il en serait toujours reconnaissant. Puis il m'offrit un très beau présent de zibeline, trop magnifique vraiment pour que je pusse l'accepter d'un homme dans sa position, et que j'aurais refusé s'il ne s'y fût opposé. Le lendemain matin, j'envoyai à sa seigneurie mon serviteur avec un petit présent de thé, 2 pièces de damas chinois et 4 petits lingots d'or japonais, qui tous ensemble ne pesaient pas plus de 6 onces ou environ. Mais ce cadeau n'approchait pas de la valeur des zibelines, dont je trouvais vraiment, à mon arrivée en Angleterre, près de 200 livres sterling. Il accepta le thé, 1 des pièces de damas et 1 des pièces d'or au coin japonais, portant une belle empreinte qu'il garda, je pense, pour sa rareté. Mais il ne voulut rien prendre de plus et me fit savoir par mon serviteur qu'il désirait me parler. Quand je me fus rendu auprès de lui, il me dit que je savais ce qui s'était passé entre nous et qu'il espérait que je ne chercherais plus à l'émouvoir. Mais puisque je lui avais fait une si généreuse offre, qu'il me demandait si j'aurais assez de bonté pour la transporter à une autre personne qu'il me nommerait et à laquelle il s'intéressait beaucoup. Je lui répondis que je ne pouvais dire que je fusse portée à faire autant pour un autre que pour lui, pour qui j'avais conçu une estime toute particulière, et que j'aurais été ravie de délivrer. Cependant, s'il lui plaisait de me nommer la personne, que je lui rendrais réponse, et que j'espérais qu'il ne m'en voudrait pas, si elle ne lui était point agréable. Sur ce, il me dit qu'il s'agissait de son fils unique, qui, bien que je ne l'eusse pas vu, se trouvait dans la même situation que lui, environ à 200 miles plus loin, de l'autre côté de l'Obi. Et que, si j'accueillais sa demande, il l'enverrait chercher. Je lui répondis sans balancer que j'y consentais. Je fis toutefois quelques cérémonies pour lui donner à entendre que c'était entièrement à sa considération. Et parce que, ne pouvant l'entraîner, je voulais lui prouver ma déférence par mon zèle pour son fils. Mais ces choses sont trop fastidieuses pour que je les répète ici. Il envoya le lendemain chercher son fils, qui, au bout de 20 jours, arriva avec le messager, amenant 6 ou 7 chevaux chargés de très riches pelleteries d'une valeur considérable. Les valets firent entrer les chevaux dans la ville, mais ils laissèrent leur jeune seigneur à quelque distance. À la nuit, il se rendit incognito dans notre appartement, et son père me le présenta. Sur le champ, nous concertâmes notre voyage, et nous en réglâmes tous les préparatifs. J'achetai une grande quantité de zibelines, de peaux de renard noir, de belles hermines et d'autres riches pelleteries. Je les troquai, veux-je dire, dans cette ville. Contre quelques-unes des marchandises que j'avais apportées de Chine, particulièrement contre des clous de girofle, des noix muscades, dont je vendis là une grande partie, et le reste plus tard à Archangel, beaucoup plus avantageusement que je ne l'eusse fait à Londres. Aussi, mon partenaire, qui était fort sensible au profit, et pour qui le négoce était chose plus importante que pour moi, fut-il excessivement satisfait de notre séjour en ce lieu, à cause du trafic que nous y fîmes. Ce fut au commencement de juin que je quittai cette place reculée. Cette ville dont, je crois, on entend peu parler dans le monde. Elle est, par le fait, si éloignée de toutes les routes du commerce que je ne vois pas pourquoi on s'en entretiendrait beaucoup. Nous ne formions plus alors qu'une très petite caravane, composée seulement de 32 chevaux et chameaux. Tous passaient pour être à moi, quoique 11 d'entre eux appartinssent à mon nouvel hôte. Il était donc très naturel, après cela, que je m'attachasse un plus grand nombre de domestiques. Le jeune seigneur passa pour mon intendant. Pour quel grand personnage passais-je moi-même? Je ne sais. Je ne pris pas la peine de m'en informer. Nous eûmes ici à traverser le plus détestable et le plus grand désert que nous eussions rencontré dans tout le voyage. Je dis le plus détestable parce que le chemin était creux en quelques endroits et très inégal dans d'autres. Nous nous consolions en pensant que nous n'avions à redouter ni troupes de Tartares ni brigands, que jamais ils ne venaient sur ce côté de l'Oby, ou du moins très rarement. Mais nous nous mécomptions. Mon jeune seigneur avait avec lui un fidèle valet moscovite, ou plutôt sibérien, qui connaissait parfaitement le pays, et qui nous conduisit par des chemins détournés pour que nous évitassions d'entrer dans les principales villes échelonnées sur la grande route, celles de Tumène, Soloï-Kamaskoï et plusieurs autres, parce que les garnisons moscovites qui s'y trouvent examinent scrupuleusement les voyageurs, de peur que quelque exilé de marque parvienne à rentrer en Moscovie. Mais si, par ce moyen, nous évitions toute recherche, en revanche, nous faisions tout notre voyage dans le désert et nous étions obligés de camper et de coucher sous nos tentes, tandis que nous pouvions avoir de bons logements dans les villes de la route. Le jeune seigneur le sentait si bien qu'il ne voulait pas nous permettre de coucher dehors quand nous venions à rencontrer quelques bourgs sur notre chemin. Il se retirait seul avec son domestique et passait la nuit en plein air dans les bois. Puis le lendemain, il nous rejoignait au rendez-vous. Nous entrâmes en Europe en passant le fleuve Kama, qui, dans cette région, sépare l'Europe de l'Asie. La première ville sur le côté européen s'appelle Soloï-Kamaskoï, ce qui veut dire la grande ville sur le fleuve Kama. Nous nous étions imaginés qu'arrivés là, nous verrions quelques changements notables chez les habitants, dans leurs mœurs, leurs costumes, leur religion. Mais nous nous étions trompés. Nous avions encore à traverser un vaste désert qui, à ce qu'on rapporte, a près de 700 miles de long en quelques endroits, bien qu'il n'en ait pas plus de 200 miles au lieu où nous le passâmes. Et jusqu'à ce que nous fûmes sortis de cette horrible solitude, nous trouvâmes très peu de différence entre cette contrée et la Tartarie mongole. Nous trouvâmes les habitants pour la plupart païens et ne valant guère mieux que les sauvages de l'Amérique. Leurs maisons et leurs villages sont pleins d'idoles et leurs mœurs sont tout à fait barbares, excepté dans les villes et dans les villages qui les avoisinent, où ces pauvres gens se prétendent chrétiens de l'Église grecque. Mais vraiment, leur religion est encore mêlée à tant de restes de superstitions que c'est à peine si l'on peut en quelques endroits la distinguer d'avec la sorcellerie et la magie. En traversant ce steppe, lorsque nous avions banni toute idée de danger de notre esprit, comme je l'ai déjà insinué, nous pensâmes être pillés et détroussés, et peut-être assassinés par une troupe de brigands. Était-il de ce pays? Était-il des bandes roulantes, d'ostiaques, espèces de tartares ou de peuples sauvages du bord de l'Oby, qui rôdaient ainsi au loin, ou étaient-ce des chasseurs de ziblines de Sibérie? Je suis encore à le savoir. Mais ce que je sais bien, par exemple, c'est qu'ils étaient tous à cheval, qu'ils portaient des arcs et des flèches, et que nous les rencontrâmes d'abord au nombre de 45 environ. Ils approchèrent de nous jusqu'à 2 portées de mousquets, et sans autre préambule, ils nous environnèrent avec leurs chevaux et nous examinèrent à 2 reprises très attentivement. Enfin, ils se postèrent juste dans notre chemin, sur quoi nous nous rangeâmes en ligne devant nos chameaux. Nous n'étions pourtant que 16 hommes en tout. Et ainsi rangés, nous fîmes halte et dépêchâmes le valet sibérien au service du jeune seigneur pour voir quelle engeance c'était. Son maître le laissa aller d'autant plus volontiers qu'il avait une vive appréhension que ce ne fût une troupe de Sibériens envoyés à sa poursuite. Cet homme s'avança vers eux avec un drapeau parlementaire et les interpella. Mais quoiqu'il sût plusieurs de leurs langues, ou plutôt de leur dialecte, il ne put comprendre un mot de ce qu'ils répondaient. Toutefois, quelques signes, ayant cru reconnaître qu'il le menaçait de lui tirer dessus s'il s'approchait, ce garçon s'en revint comme il était parti. Seulement, il nous dit qu'il présumait, à leur costume, que ces Tartares devaient appartenir à quelque horde kalmouk ou circassienne, et qu'ils devaient se trouver en bien plus grand nombre dans le désert, quoiqu'il n'eût jamais entendu dire qu'auparavant ils eussent été vus si loin vers le nord. C'était peu consolant pour nous, mais il n'y avait point de remède. À main gauche, à environ un quart de mile de distance, se trouvait un petit bocage, un petit bouquet d'arbres très serré et fort près de la route. Sur-le-champ, je décidai qu'il nous fallait avancer jusqu'à ces arbres et nous y fortifier de notre mieux, envisageant d'abord que le feuillage nous mettrait en grande partie à couvert des flèches de nos ennemis, et en second lieu qu'ils ne pourraient venir nous y charger en masse. Ce fut, à vrai dire, mon vieux pilote qui en fit la proposition. Ce brave avait cette précieuse qualité, qui ne l'abandonnait jamais, d'être toujours le plus prompt et plus apte à nous diriger et à nous encourager dans les occasions périlleuses. Nous avançâmes donc immédiatement et nous gagnâmes en toute hâte ce petit bois, sans que les Tartares ou les brigands, car nous ne savions comment les appeler, eussent fait le moindre mouvement pour nous en empêcher. Quand nous fûmes arrivés, nous trouvâmes, à notre grande satisfaction, que c'était un terrain marécageux et plein de fondrières, d'où, sur le côté, s'échappait une fontaine, formant un ruisseau, joint à quelque distance de là par un autre petit courant. En un mot, c'était la source d'une rivière considérable, appelée plus loin Virtska. Les arbres qui croissaient autour de cette source n'étaient pas en tout plus de 200, mais ils étaient très gros et plantés fort épais. Aussi, dès que nous eûmes pénétré dans ce bocage, vîmes-nous que nous y serions parfaitement à l'abri de l'ennemi, à moins qu'il ne mît pied à terre pour nous attaquer. Mais afin de rendre cette attaque même difficile, notre vieux Portugais, avec une patience incroyable, s'avisa de couper à demi de grandes branches d'arbres et de les laisser pendre d'un tronc à l'autre pour former une espèce de palissade tout autour de nous. Nous attendions là depuis quelques heures que nos ennemis exécutassent un mouvement sans nous être aperçus qu'ils eussent fait mine de bouger. Quand, environ 2 heures avant la nuit, ils s'avancèrent droit sur nous. Quoique nous ne l'eussions point remarqué, nous vîmes alors qu'ils avaient été rejoints par quelques gens de leur espèce, de sorte qu'ils étaient bien 80 cavaliers, parmi lesquels nous crûmes distinguer quelques femmes. Lorsqu'ils furent à demi portée de mousquet de notre petit bois, nous tirâmes un coup à poudre et leur adressâmes la parole en langue russienne pour savoir ce qu'ils voulaient et leur enjoindre de se tenir à distance. Mais comme ils ne comprenaient rien à ce que nous leur disions, ce coup ne fit que redoubler leur fureur, et ils se précipitèrent du côté du bois, ne s'imaginant pas que nous y étions si bien barricadés qu'il leur serait impossible d'y pénétrer. Notre vieux pilote, qui avait été notre ingénieur, fut aussi notre capitaine. Il nous pria de ne point faire feu dessus qu'ils ne fussent à portée de pistolet, afin de pouvoir être sûr de leur faire mordre la poussière, et de ne point tirer que nous ne fussions sûrs d'avoir bien ajusté. Nous nous en remîmes à son commandement, mais il différa si longtemps le signal que quelques-uns de nos adversaires n'étaient pas éloignés de nous de la longueur de 2 piques quand nous leur envoyâmes notre décharge. Nous visâmes si juste, ou la Providence dirigea si sûrement nos coups, que de cette première salve nous en tuâmes 14 et en blessâmes plusieurs autres, cavaliers et chevaux, car nous avions tous chargé nos armes de 2 ou 3 balles au moins. Ils furent terriblement surpris de notre feu et se retirèrent immédiatement à environ une centaine de verges. Ayant profité de ce moment pour recharger nos armes et voyant qu'ils se tenaient à cette distance, nous fîmes une sortie et nous attrapâmes 4 ou 5 de leurs chevaux, dont nous supposâmes que les cavaliers avaient été tués. Au corps resté sur la place, nous reconnûmes de suite que ces gens étaient des Tartares. Mais à quel pays appartenaient-ils? Mais comment en étaient-ils venus faire une excursion si longue? C'est ce que nous ne pûmes savoir. Environ 1 heure après, ils firent un second mouvement pour nous attaquer et galopèrent autour de notre petit bois pour voir s'ils pourraient y pénétrer par quelque autre point. Mais nous trouvant toujours prêts à leur faire face, ils se retirèrent de nouveau. Sur quoi, nous résolûmes de ne pas bouger de là pour cette nuit. Nous dormîmes peu, soyez sûrs. Nous passâmes la plus grande partie de la nuit à fortifier notre assiette et barricader toutes les percées du bois. Puis, faisant une garde sévère, nous attendîmes le jour. Mais quand il parut, il nous fit faire une fâcheuse découverte, car l'ennemi que nous pensions découragé par la réception de la veille s'était renforcé de plus de 200 hommes et avait dressé 11 ou 12 huttes comme s'il était déterminé à nous assiéger. Ce petit camp était planté en pleine campagne, à 3/4 de mile de nous environ. Nous fûmes tout de bon grandement surpris à cette découverte. Et j'avoue que je me tins alors pour perdu, moi et tout ce que j'avais. La perte de mes effets, bien qu'ils fussent considérables, me touchait moins que la pensée de tomber entre les mains de pareils barbares. Tout à la fin de mon voyage, après avoir traversé tant d'obstacles et de hasards, et même en vue du port où nous espérions sûreté et délivrance. Quant à mon partenaire, il enrageait. Il protestait que la perte de ses marchandises serait sa ruine, qu'il aimait mieux mourir que d'être réduit à la misère, et qu'il voulait combattre jusqu'à la dernière goutte de son sang. Le jeune seigneur, brave au possible, voulait aussi combattre jusqu'au dernier soupir. Et mon vieux pilote avait pour opinion que nous pouvions résister à nos ennemis, postés comme nous l'étions. Toute la journée se passa ainsi en discussion sur ce que nous devions faire. Mais vers le soir, nous nous aperçûmes que le nombre de nos ennemis s'était encore accru. Comme ils rôdaient en plusieurs bandes à la recherche de quelques proies, peut-être la première bande avait-elle envoyé des exprès pour demander du secours et donner avis aux autres du butin qu'elle avait découvert, et rien ne nous disait que le lendemain, ils ne seraient pas encore en plus grand nombre. Aussi commençais-je à m'enquérir auprès des gens que nous avions amenés de Tobolsk s'il n'y avait pas d'autres chemins, des chemins plus détournés, par lesquels nous puissions échapper à ces drôles pendant la nuit, puis nous réfugier dans quelques villes ou nous procurer une escorte pour nous protéger dans le désert. Le Sibérien, domestique du jeune seigneur, nous dit que si nous avions le dessein de nous retirer et non pas de combattre, il se chargerait à la nuit de nous faire prendre un chemin conduisant au nord vers la rivière Petraz, par lequel nous pourrions indubitablement nous évader, sans que les Tartares y vissent goutte. Mais il ajouta que son seigneur lui avait dit qu'il ne voulait pas s'enfuir, qu'il aimait mieux combattre. Je lui répondis qu'il se méprenait sur son seigneur, qui était un homme trop sage pour vouloir se battre pour le plaisir de se battre, que son seigneur avait déjà donné des preuves de sa bravoure et que je le tenais pour brave, mais que son seigneur avait trop de sens pour désirer mettre aux prises 17 ou 18 hommes avec 500, à moins d'une nécessité inévitable. Si vous pensez réellement, ajoutai-je, qu'il nous soit possible de nous échapper cette nuit, nous n'avons rien de mieux à faire. Que monseigneur m'en donne l'ordre, répliqua-t-il, et ma vie est à vous si je ne l'accomplis pas. Nous amenâmes bientôt son maître à donner cet ordre, secrètement toutefois, et nous nous préparâmes immédiatement à le mettre à exécution. Et d'abord, aussitôt qu'il commença à faire sombre, nous allumâmes un feu dans notre petit camp, que nous entretînmes et que nous disposâmes de manière à ce qu'il pût brûler toute la nuit, afin de faire croire aux Tartares que nous étions toujours là. Puis, dès qu'il fit noir, c'est-à-dire dès que nous pûmes voir les étoiles, car notre guide ne voulut pas bouger auparavant, tous nos chevaux et nos chameaux se trouvant prêts et chargés, nous suivîmes notre nouveau guide, qui, je ne tardai pas à m'en apercevoir, se guidait lui-même sur l'étoile polaire, tout le pays ne formant jusqu'au loin qu'une vaste plaine. Quand nous eûmes marché rudement pendant 2 heures, le ciel, non pas qu'il eût été bien sombre jusque-là, commença à s'éclaircir, la lune se leva, et bref, il fit plus clair que nous ne l'aurions souhaité. Vers 6 heures du matin, nous avions fait près de 40 miles. À vrai dire, nous avions éreinté nos chevaux. Nous trouvâmes alors un village russien nommé Kirmasinskoï, où nous nous arrêtâmes tout le jour. N'ayant pas eu de nouvelles de nos Tartares kalmouks, environ 2 heures avant la nuit, nous nous remîmes en route et marchâmes jusqu'à 8 heures du matin, moins vite toutefois que la nuit précédente. Sur les 7 heures, nous passâmes une petite rivière appelée Kirtsa et nous atteignîmes une bonne et grande ville habitée par des Russiens et très peuplée, nommée Osomoï. Nous y apprîmes que plusieurs troupes ou hordes de Kalmouks s'étaient répandues dans le désert, mais que nous n'en avions plus rien à craindre, ce qui fut pour nous une grande satisfaction, je vous l'assure. Nous fûmes obligés de nous procurer quelques chevaux frais en ce lieu, et comme nous avions grand besoin de repos, nous y demeurâmes 5 jours. Et mon partenaire et moi nous convînmes de donner à l'honnête Sibérien qui nous y avait conduits la valeur de 10 pistoles pour sa peine. Après une nouvelle marche de 5 jours, nous atteignîmes Vesima, sur la rivière Vidzogda, qui se jette dans la Dvina. Nous touchions alors au terme heureux de nos voyages par terre, car ce fleuve, en 7 jours de navigation, pouvait nous conduire à Archangel. De Vesima, nous nous rendîmes à Lorenskoï, au confluent de la rivière, le 3 juillet, où nous nous procurâmes 2 bateaux de transport et 1 barge pour notre propre commodité. Nous nous embarquâmes le 7 et nous arrivâmes tous, sains et saufs, à Archangel le 18, après avoir été 1 an, 5 mois et 3 jours en voyage, y compris notre station de 8 mois et quelques jours à Tobolsk. Nous fûmes obligés d'y attendre 6 semaines l'arrivée des navires, et nous eussions attendu plus longtemps si un navire hambourgeois n'eût devancé de plus d'un mois tous les vaisseaux anglais. Considérant alors que nous pourrions nous défaire de nos marchandises aussi avantageusement à Hambourg qu'à Londres, nous prîmes tous passage sur ce bâtiment. Une fois nos effets à bord, pour en avoir soin, rien ne fut plus naturel que d'y placer mon intendant, le jeune seigneur, qui, par ce moyen, put se tenir caché parfaitement. Tout le temps que nous séjournâmes encore, il ne remit plus le pied à terre, craignant de se montrer dans la ville où quelques-uns des marchands moscovites l'eussent certainement vu et reconnu. Nous quittâmes Archangel le 20 août de la même année, et, après un voyage pas trop mauvais, nous entrâmes dans l'Elbe le 13 septembre. Là, mon partenaire et moi, nous trouvâmes un très bon débit de nos marchandises chinoises, ainsi que de nos zibelines et autres pelleteries de Sibérie. Nous fîmes alors le partage de nos bénéfices, et ma part montait à 3,475 livres sterling et 17 shillings et 3 pence, malgré toutes les pertes que nous avions essuyées et les frais que nous avions su. Seulement, je me souviens que j'y avais compris la valeur d'environ 600 livres sterling pour les diamants que j'avais achetés au Bengale. Le jeune seigneur prit alors congé de nous et s'embarqua sur l'Elbe, dans le dessein de se rendre à la cour de Vienne, où il avait résolu de chercher protection et d'où il pourrait correspondre avec ceux des amis de son père qui vivaient encore. Il ne se sépara pas de moi sans me témoigner toute sa gratitude pour le service que je lui avais rendu, et sans se montrer pénétré de mes bontés pour le prince, son père. Pour conclusion, après être demeuré près de 4 mois à Hambourg, je me rendis par terre à La Haye, où je m'embarquai sur le paquebot, et j'arrivai à Londres le 10 janvier 1705. Il y avait 10 ans et 9 mois que j'étais absent d'Angleterre. Enfin, bien résolu à ne pas me harasser davantage, je suis en train de me préparer pour un plus long voyage que tout ceci, ayant passé 72 ans d'une vie d'une variété infinie, ayant appris suffisamment à connaître le prix de la retraite et le bonheur qu'il y a à finir ses jours en paix.